Bonjour madame, voilà, je voudrais faire un cadeau à mon ami. Oui, monsieur. Vous voulez mettre combien à peu près? 100 euros maximum. Alors je vais vous montrer quelques colliers. Ah, celui-là est magnifique. Il fait combien? 220 euros, monsieur. Ah non, c'est vraiment au-dessus de mon budget. C'est dommage. Regardez celui-là. Il est d'un prix très raisonnable, 95 euros. Oui, mais je l'aime moins. Vous n'avez rien d'autre dans ces prix-là?